Premièrement, le podcast, on tourne sur une table. Enfin, une table, des chaises, et plus sur une table basse par terre. Pas premièrement. Pas première fois. Ouais, enfin, l'épisode 0. Première fois, on l'avait fait sur une table. Mais chez nous. Chez nous, au moins, on est sur une vraie table, enfin. Et sur des vraies chaises, et pas par terre, sur des canapés, sur des oreillers. Mm. Donc ça change et ça fait du bien. L'appartement commence à prendre forme. Ouais, c'est ça, petit à petit. Les affaires qui sont censées être dans ta chambre sont enfin dans ta chambre, même s'il manque des meubles. Il y a enfin une table à la place du vide où elle devrait être, voilà. Il manque encore beaucoup de choses, mais au fur et à mesure, là pour le moment, on a 3 chaises. Je viens d'aller récupérer chez ma mère 3 sur 4, puisqu'il y en a une qui était vraiment pas en bon état. Puis le plus important, c'est qu'on en ait au moins 2, quoi. Ouais. Et puis quand le confinement sera fini, la seule chose qu'on a acheté vraiment, c'est des chaises, ouais, et des rideaux. Ouais, les rideaux, c'est ce que tu venais de se dire, parce que c'est plus possible. Ouais, c'est... On a un vis-à-vis énorme. Des deux côtés de l'appartement, il y a trop de vis-à-vis. Partout vraiment. On peut même pas être dans sa chambre sans qu'on nous regarde, quoi. Mm. C'est super chiant. Mais voilà, après, c'est que des meubles qu'on doit récupérer, enfin surtout toi en l'occurrence, ouais. Que tu dois récupérer chez un oncle. Moi j'ai quelques meubles à récupérer chez ma mère encore, mais j'attends un peu la fin du confinement parce que c'est pas extrêmement urgent. Est-ce que c'est pas l'emménagement le plus long de l'histoire des emménagements ? Je te jure. Après, c'est pas si grave que ça parce qu'on vit bien. Toi, enfin, t'as un matelas, c'était quand même... Enfin, oui. Fallait que ça arrive, quoi. Maintenant, ce serait bien que t'aies le lit qui va avec. Ouais, bah, franchement, ça va être le 11 mai. Hein. Ça va pouvoir être avant, c'est chiant. Ouais, mais après, c'est dans... Le 11 mai, ça va arriver peut-être assez vite. 3 semaines. Ouais. 3 semaines. Si tout se passe bien, on est à la fin. Ils vont peut-être nous laisser un week-end de repos où on n'est plus en confinement et ensuite, hop, nous remettre en confinement. Et là, t'auras le temps de faire tes petits. Ce serait bien. Mais ouais, non, là, c'est vrai qu'on voit petit à petit l'appartement prendre forme. J'ai ramené un tapis il y a quelques semaines. Toi, t'as ramené la table basse. Donc, c'est vrai qu'on a quand même un peu plus un coin salon. Il y a quand même la télé qui est sur des cartons, mais ça va pouvoir le faire. Voilà, ça passe. Eh, tiens. Oui, non, ça va. J'avais un peu peur au départ, mais cartons, ça va. Ouais. C'est des cartons dans lesquels il y a des livres, donc les cartons sont plutôt stables. C'est, heureusement, enfin, j'ai pas pris des cartons où genre il y avait des draps dedans ou quoi, parce que sinon, avec le poids de la, puis c'est une belle télé et c'est une télé neuve, donc genre c'est hors de question qu'on la casse. C'est vraiment que ce soit toi ou moi, je tue la personne qui le fait, quoi. Oui, bah, mais du coup, t'auras pas de télé dans ta chambre, toi. J'en veux pas. Et de toute façon, je trouve que la chambre est trop petite pour vouloir avoir une télé dedans, honnêtement. Ah, même accrochée, tu vois, moi, quand c'est plus. Ouais, mais même accrochée, en fait, c'est... Je sais pas, je vois pas l'utilité d'avoir une télé dans sa chambre quand t'as un salon. À l'époque, déjà, où j'étais chez ma mère, j'ai eu une télé dans ma chambre pendant un temps, mais la chambre, c'était mon seul... La seule pièce qui était à moi, tu vois. Là ouais, mais regarder du porno dans le salon, c'est super chiant. Ouais, mais ça, j'ai une tablette tactile. Ouais, ouais. Non, blague à part, quand je vais regarder mes séries tranquillement dans mon lit, j'ai ma tablette, qui est une tablette qui est assez grande. J'ai l'ordinateur. Bon, l'ordinateur, il me sert pas à ça parce qu'il est trop vieux, mais franchement, trop d'écran après. Là, ma chambre, on est bien. Alors moi, il me faut une télé dans ma chambre. Je suis content d'en avoir une. Ouais, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et puis, en plus, j'ai remarqué à l'époque où j'avais une télé dans ma chambre, quand je vivais chez mes parents, je passais mon temps devant la télé, mais je regardais pas vraiment la télé. Je zappais. Et moi, j'ai pas de console. Enfin, je joue pas vraiment beaucoup aux jeux. Du coup... ça m'intéresse pas d'avoir une télé pour jouer, j'y joue pas. Regarder mes séries, j'ai une très belle télé dans le salon, on va faire en sorte qu'elle soit utile. Ouais. Enfin, 3 télés, alors qu'on est 2. Tu vois ? Ouais, 2 télés, c'est bien, parce que au moins, toi, si toi tu veux regarder, par exemple, si tu veux jouer à la Xbox, tu peux jouer tranquillement dans ta chambre. Pendant que moi, je peux quand même regarder la télé. Ou des trucs comme ça, tu vois. Ce qui veut pas dire que le jour où tu voudras regarder la télé dans le salon, Oui, tu n'auras pas le droit ouais. parce que t'as ta télé, tu vois. C'est dans la logique des choses après, mais... Non, mais tu sais, en plus, juste... ça se lever le matin, t'as pas envie des fois de bouger, t'es bien, t'as juste envie d'allumer la télé, tu sais. Ouais, bah c'est pareil, je prends ma tablette. Ouais. Et puis vu que la pièce est pas très grande, je vois pas l'utilité d'avoir un écran plus grand que ma tablette en fait. Franchement, c'est sachant que moi la tablette elle se met toi la taille de l'écran c'est par rapport à la pièce. Ah bah oui, bien sûr. D'accord. Heureusement qu'on a pas pris un trop grand salon parce que la télé aurait été trop petite. Bah non, la télé elle est même peut-être un peu trop grande par rapport à la taille du salon, enfin du coin télé. Mais oui, bien sûr que tu choisis la taille de l'écran par rapport à la taille de ton salon. Non. Ça s'appelle faire attention à ses yeux. En fait. Oui, mais bon. Après, t'as la sensation d'être. Parce que plus ta télé est grande, plus tu dois être éloigné. C'est comme quand tu vas au cinéma, l'écran de cinéma, tu te mets pas aussi près. Oui. Tu vois, bah, c'est la même chose. Ouais, c'est vrai. Et là, en l'occurrence, ma tablette, donc une petite tablette. Enfin, c'est une grande tablette dans le sens où elle fait pas partie des plus petites, quoi. Ouais. Mais quand je regarde des séries dans ma chambre, je suis d'un côté du lit. Et la tablette est du côté de mon concubin inexistant. Ouais, ouais. Donc du coup, plutôt près. Et je trouve que c'est... Et attends, bah oui, mais et du coup, si demain tu as un concubin, comme tu dis, je crois qu'on aurait dit tous les mots pour dire petit copain sur ce podcast. Un ami. Oui, un ami très proche. Et que vous voulez regarder un truc ensemble, mais tranquille, tu sais, dans la télé, tu travailles le matin, tu mets un truc... Honnêtement, enfin... Après, moi, quand je me réveille le matin avec mon concubin, c'est pas regarder la télé que j'ai envie. Oui. Si je partageais quelque chose avec lui. Déjeuner, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Oui. Non, honnêtement, on se déplacerait jusqu'au salon. Ouais. Non, moi, je suis bien content d'avoir ma télé et c'est le matin que je me réveille avec ma copine. Si je vivais dans un manoir très grand, avec des grande pièce et le salon à plus de 6 mètres de ma chambre, peut-être que là je me dirais ouais, je vais prendre une télé parce que les matins de flemme, je reste confinée dans ma chambre. Pour aller dans le salon, ouais, ça devient compliqué. Ouais. Là, j'ouvre la porte de la chambre, je suis dans le salon. Vraiment, je fais quoi? Je dirais 5 pas. Oui. Pour arriver jusqu'à la... Je crois même que si je prends la télécommande de la télé, que je ferme la porte de ma chambre, je vais dans ma chambre, je peux allumer et éteindre la télé. Non, mais alors là tu dis ça maintenant, c'est bien drôle, ok. Mais quand on sera en plein hiver, qu'il fera froid, hein, et que tu devras traverser, et dans le froid, hein. Dans le froid. Bien, si, alors oui, parce que ce que si... vous savez pas, c'est que nous vivons dans la rue, en fait. Notre appartement, c'est un coin de parking. Ne fais pas l'ignorant. Tu sais très bien que des fois, il fait froid. Je suis pas d'accord. Oui, mais toi, tu ne fais pas l'ignorant. Tu es frileux. Je suis désolée. Alors, normalement, non. Mais là, oui, un peu. Oui, mais normalement, parce que, non. Parce que moi, j'ai pas eu si froid que ça pendant les soirs où il faisait froid. Et s'il fait froid, je mettrais des grosses chaussettes et je sortirais avec ma couverture. Oui, et du coup, à ce moment-là, je te le redis encore une fois, comment tu veux être sexy avec ton concubin avec tes grosses chaussettes? Alors, mes grosses chaussettes, tu les adoptes ou tu me quittes, hein. C'est comme ça, hein, alors là. Non, mais... Puis le jour où on en arrivera là... Oui, parce que là, on se fait beaucoup de filles, voilà. mais on va en rester là. Hein. Mais non, puis je sais pas, j'ai envie... J'ai envie de que ma chambre soit décorée à mes goûts et franchement une grosse télé non. Bah moi tu vois ce que j'ai juste en ce moment, c'est d'acheter tu sais les trucs que tu prends sur ton téléphone et qui font rétroprojecteur. Ça c'est très envie. Et ça par exemple, je pourrais ouais parce que c'est quelque chose qui se range facilement. Le fait de pouvoir projeter sur le plafond quand t'es au lit ou sur le mur d'en face, ça peut être cool. Ça, je pourrais. Parce que c'est pas un écran qui prend de la place. Et ouais, ça pourrait être cool. Et j'avais regardé quelques pubs aussi qui m'avaient intéressé. Mais c'est pas forcément un achat que je ferais comme ça. Ah, moi, je pense que c'est l'un de mes prochains achats. Ah ouais. D'ici cet été. Donc t'auras la télé et le projecteur. Ouais. Bah écoute, ouais. Oui, j'aurais la télé et le projecteur. D'accord. Parce que... Pour pouvoir regarder deux trucs en même temps. Et puis même après, même, peut-être que je pourrais... Ouais, non, j'allais dire, je pourrais me mettre dans le jardin et les projeter, mais là, ça va être compliqué. Si, je pourrais me mettre dans le jardin et projeter un film sur le mur. Pourquoi faire ? Je sais pas, parce qu'il va faire, chaud, tu vois, cet été. Et du coup, tu seras dehors, le soir, il fait frais, tu vois, et tu restes dehors. Comme ça, tu pourras regarder le film avec les voisins. Ouais, non, mais on... non, ok, premier achat, départ vu, ok, d'accord. Ça, non, je suis d'accord avec toi. Oui, tu pourras faire, comment ça s'appelle ? Il y a des projections de films dans des parkings, c'est très, très américain, genre de choses, c'est vrai, tu te gares avec ta voiture et bon, c'est vieux. Bah, tu pourras faire ça dans le jardin, effectivement. Cool, c'est cool. Pourquoi pas ? Bah, j'ai repris le travail, du coup, comme vous avez dit. Mm-hmm. Alors, je vous avoue, très très content. Très très content. Reprendre avec l'odeur de la ferraille, tout ça, moi j'adore. Ça fait très chelou de dire ça, mais je prends un grand plaisir. Lucie, tu dois t'ennuyer sans moi, ça c'est sûr. Alors, non, je ne m'ennuie pas. Par contre, il faut dire quelque chose. Tu as repris le travail, effectivement. Et en tant que collègue, magnifique collègue que tu es, tu as fait des gâteaux pour ton retour. Oui. Des moelleux au chocolat, c'est ça ? Des fondants au chocolat. Donc, moi, je fais quelques gâteaux hein, à droite à gauche. J'en ai fait deux hier. Préparez-vous, je vais en prendre plein. Allez-y. Et bien évidemment, je fais des gâteaux. Ils sont pour tout le monde. Hein. Ils sont autant pour Vincent que pour moi. Il peut en manger. Puis bon, Oui, alors attends, excusez-moi. Lucie a décidé de me faire grossir. Hein. Lucie a vraiment décidé de me faire grossir. Faut que je t'annonce honnêtement que je vais certainement faire des cookies ce soir. Oui, non mais c'est simple. Je suis allé au boulot 4 jours. Je reviens tous les soirs, il y a un nouveau gâteau. Tu nous as fait banane chocolat. Non, banane. Banana bread. Banana bread. Poire chocolat. Une tarte poire chocolat. Ouais. Tu nous as fait des cookies. Une bonne dizaine de fois. Une bonne dizaine de... Ah ouais. J'en ai pris deux le matin la dernière fois quand je suis parti au boulot. Le matin, tu sais, tu pars. Au boulot, tu prends deux cookies. Tu nous as fait quoi d'autre comme gâteau ? Tarte aux pommes. Tarte aux pommes aussi, oui. Crumble aux pommes. Crumble aux pommes. Et là, dernièrement, un gâteau qui, je pense... Tu l'as pas touché, d'ailleurs. J'ai vraiment pris un croc, mais je pense qu'il manque de cuisson. Enfin, je vais voir ce que je peux faire avec ça. C'est un gâteau banane chocolat, mais la recette... Demain, j'en mangerai moins. Tu diras ce que t'en penses, mais la recette était bizarre, et voilà. Mais oui, effectivement, en fait, je m'ennuie, et j'aime bien faire des gâteaux. Et à l'époque où... Enfin, quand je vivais encore chez ma mère, j'aimais aussi en faire, mais on avait un four qui avait mon âge, quoi. Et le four, il chauffait pas partout, pareil. Et au niveau des cuissons, c'était insupportable. Enfin, j'arrivais pas à faire cuire correctement un truc. J'en suis même arrivée à me dire que juste, je savais absolument pas faire de gâteau, même en suivant une recette de A à Z. Et ça m'a un peu saoulée. Et quand j'ai appris... Enfin, quand j'ai appris qu'on allait emménager et que le four... qu'on nous laissait le four, et que c'était un four comme qui est plutôt... Il est vachement bon. Voilà, puis il est plutôt neuf, enfin, il est en très très bon état. J'étais super contente de me dire, putain, on va faire... on va pouvoir faire des plats qui vont cuire normalement, quoi. Ouais. Donc j'ai enfin pouvoir savoir si juste je suis très nulle pour faire des gâteaux, ou si, je sais suivre une recette. Je te dis, moi, tu es très forte. Ouais, je voulais dire, dis-moi que je suis très nulle. Ne touche plus jamais un de mes gâteaux. Non, mais après j'ai fait des trucs plutôt simples. C'était la première fois de ma vie que je faisais un crumble et une tarte. Mais c'est vrai que c'est des trucs faciles à faire et qui sont en général inratables et très agréables à déguster. Ah, j'ai vu des gâteaux ratés. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est après. Oui, il y a des gens qui sont très forts pour rater les gâteaux aussi. Mais... Oui, oui, oui. Mais donc voilà, je faisais des gâteaux, n'essayez pas de changer de conversation. Merde, c'est raté. Et le soir, lundi soir, je crois. Pour mardi Non. C'est le dimanche soir. C'était mardi soir pour le mercredi soir. Mercredi matin. Mardi soir pour mercredi matin. Vincent prépare sa pâte à gâteau, etc. Et il met ses gâteaux au four du coup mercredi matin pour qu'il soit tout chaud. Pour mes collègues. Tout juste sorti du four pour les collègues. Donc. Super. Hein. Moi, j'étais encore au lit quand les gâteaux étaient au four, mais l'appartement est pas très... Alors, t'étais au lit. Moi, c'est un truc qui m'épate. C'est que tu ne dors pas. Je me suis levé... Non, mais... Je me suis levé, il était quelle heure ? Je me suis levé, il était 5h50. Non, il était... Ouais, si, 5h50. Pour partir, moi je pars à 7h. Du coup, je m'étais levé 1h10 en avance. Et je me réveille, j'entends mon téléphone, tu regardais une série, tu regardais un truc. Tu ne dormais pas. Enfin, tu devais dormir ou tu t'es réveillé. En fait, moi j'ai un sommeil extrêmement léger. Et j'ai eu un sommeil pourri. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie nuit d'un coup, où genre tu t'endors à 23h minuit et que tu te réveilles à 9h 10h d'un coup. Tu te réveilles pas une fois. Moi je fais des sommeils fragmentés et encore je prends énormément de temps à m'endormir et quand je suis réveillée, je suis réveillée. Mmh. Et c'est vrai que depuis que tu as repris le boulot, mais je me doutais que ça allait être ça, et c'est même pas le bruit que tu fais, parce que tu fais pas de bruit. Toi, tu fais le bruit de quelqu'un qui marche et quelqu'un qui respire, quoi. On peut pas te... 90 kilos qui marchent, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Mais alors, par contre, c'est vrai que tu t'es pas super discret dans tes pas. Ah, on est ça, on me l'a toujours dit. Vraiment. Et c'est pas une question de poids, hein. Je crois qu'il en veut au sol. Il a essayé d'écraser les chatons à plusieurs reprises, peut-être, je sais pas, mais il y a de la violence dans tes pas. Mais c'est pas quelque chose, ça me dérange pas, mais de toute façon, il pourrait y avoir le sac poubelle qui bouge un petit peu, que ça me réveillerait, tu vois. Bon, là, il est un peu loin, la poubelle est un peu loin de ma chambre, mais c'est vraiment, il m'en faut très peu pour que ça me réveille. Et à force, je pense que ton corps s'habitue. Mais c'est ce que je te disais il y a pas longtemps, je fais tout au long de l'année des sommeils très petits. Je dors très peu et ou très mal. Et il y a un moment dans l'année ou un moment dans le mois, où genre mon corps il va te dire ok Lucie, tu vas t'endormir à 20h, tu vas te réveiller à midi le lendemain, histoire de rattraper un peu ton manque de sommeil de tout le long. Il y a ça tient, puis il y a un moment où le corps il lâche, quoi. Mais dans la famille on est tous comme ça, parce que ma mère elle est plutôt insomniaque aussi. Maintenant, est-ce que c'est bon pour la santé? Non. Est-ce que c'est pour ça qu'on a tous des soucis de tension dans la famille? Certainement, mais c'est la vie. Et du coup, vous remarquerez que j'ai réussi à changer deux fois. Justement, non, mais parce que j'avais encore dit... Prenez des notes si vous voulez changer de discussion. Revenons à notre conversation. Prenez des notes sur ce que je dis. Essayez tout le temps de détourner un peu la conversation. Allons-y. On n'arrivera pas aux 50 minutes de podcast en essayant de détourner les conversations. Hein, donc, on va y arriver. Tu mets les gâteaux au four le matin. Moi, je sens l'odeur du chocolat au four et de toute façon, je savais que tu faisais des gâteaux, donc je pense que ça m'a réveillée mentalement de savoir qu'il y avait des gâteaux au four. Je dis bon, il fait ses gâteaux et tout, ça a l'air de bien se passer. Tu finis de te préparer, tu t'en vas et puis je me lève. Et boum, je fais mon café, j'ouvre le frigo parce que moi je fais un café au lait le matin et je me dis bon, peut-être. Un petit gâteau au chocolat pour moi, quoi. Enfin, normal, moi je lui en laisse toujours des parts. Je vais mettre une musique de violon triste à ce moment-là. Et j'ouvre le frigo, je regarde, j'ai retourné le frigo qui est pas spécialement grand et pas spécialement rempli non plus. Mais pas sur le frigo, mec, hein, je regarde le frigo, je check vite fait le four en me disant regarder la chaleur du fondant non plus. Je regarde dans la poubelle en me disant peut-être qu'il a complètement raté ses gâteaux et que du coup il n'arrête à personne. Je vois rien. Dans la poubelle, d'accord. Mais je sens toujours cette odeur de chocolat qui me dit que non, les gâteaux ont été faits, mais les gâteaux sont partis. Et j'ai continué ma journée. En me demandant bien pourquoi j'avais pas eu droit à ne serait-ce que ma petite miette de gâteau au chocolat. Alors, si je peux m'exprimer, me permets-tu ? Je t'en prie. Aucune excuse ne sera valable. Malheureusement, en fait, je n'ai pas pu faire assez de fondant pour mes collègues et Lucie. Mais, on est le vendredi 24 avril. Le samedi 25 avril, je me promets solennellement de faire des fondants pour toi Et j'en passerai aussi à ton père à côté. Oui, je n'aurai pas d'enfer pour mon père. Hein. Non, tu peux, je pense qu'il n'y aura pas assez pour moi et pour mon père. Il nous aura amené des crêpes et un gâteau. C'était à quoi le gâteau? Coco. Ah, mais super bon d'ailleurs. Quand tu veux que tu fais des gâteaux comme ça, parce que tu fais des gâteaux, mais des gâteaux bons, tu sais pas les faire. Coco, j'ai pas mangé. Non, mais la compagne de mon père est vraiment, vraiment, elle fait des trucs très bons. Là, il y a encore pas longtemps, ils m'ont envoyé une photo d'un gâteau, un roulé à la framboise ou je sais pas quoi. Et elle me proposait de venir le manger, hein, tout à fait, complètement. Mais clairement, ce jour-là, j'étais vraiment pas en forme et j'étais déjà, pour le coup, j'étais déjà au lit, il était 16h. Parce que j'avais besoin de dormir là, d'où je suis pas venue et j'avoue que peut-être que je regrette un petit peu, mais là il y a trop de gâteaux dans ma vie quoi, vraiment c'est. J'y dis ça, mais encore une fois je suis persuadée que je vais faire des cookies. Et je ne sais pas si tu vas pouvoir faire des moelleux, des fondants. Pourquoi? Parce que je pense que tu auras pas tous les ingrédients. Putain, ça va être compliqué du coup. Parce que même niveau, mais je vais faire des courses demain. Non vraiment, en plus c'était prévu. J'avais prévu pourquoi j'ai dit qu'il y avait un truc qui. Des œufs, j'ai juste besoin d'œufs. Hein. Ouais, bah, de toute façon, je vais en racheter. Je sais plus ce qui reste. Parce que moi, mais... bref. Je suis plus rien payé jusqu'à jeudi. Ouais, bah, bon, je sais pas, j'ai pas regardé mon compte. C'est la dèche. C'est fini, j'ai plus d'argent. Mais moi, je pense que ça va être mes dernières courses avant la paye. Le soir, bah, pas tarder à arriver. Quoique c'est bientôt mon anniversaire, peut-être que une âme charitable. Ma mère m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Je lui ai demandé un loyer. Bah, ça n'a pas l'air de fonctionner donc demande-lui en deux comme ça. Je demande un loyer à mon père, un loyer à ma mère. Exactement. Comme ça fait un mois gratuit. Où est le souci? Mais du coup alors tu pensais faire ton anniversaire tout seul? Ouais. Que nenni, tu vas pouvoir le faire avec ton père. Ouais, effectivement mon père m'a invité pour mon anniversaire. Je sais pas encore si ça sera le midi ou le soir. Je sais juste que je suis invitée à manger chez lui. Quoi. Petit rappel, son père habite juste à côté. Oui, voilà. C'est... On n'a quand même pas le droit. C'est voilà. Vrai, voilà. Mais bon, honnêtement, je veux dire, on est vraiment la terrasse d'à côté. Quand je fume ma clope dans le jardin, je lui parle de sa terrasse et on est tout aussi loin l'un de l'autre que si je franchis... Ouais, la porte, non, la porte, voilà. Donc maintenant, on ne se fait pas la bise, on ne se serre pas la main, voilà, enfin, on ne boit pas dans le verre de l'autre, de toute façon, mon père n'est pas prêteur. Donc non, il n'y a pas de souci, on fait ce qu'il faut, et ça, de toute façon, il faut savoir que la compagne de mon père travaille dans le milieu hospitalier et qu'elle fait très attention à se désinfecter les mains très régulièrement. Et nous, ça, franchement, je... Puis de toute façon, c'est comme ça. Je le fais. Oui, voilà. Personne ne m'a demandé... Voilà. Et puis, si vous voulez me dénoncer à la police... voilà, je marquerai le nom de famille, le numéro de téléphone dans la description. Tout à fait, voilà. Et mon numéro de sécurité sociale. Absolument. Aussi. Et du coup, tu ne seras pas tout seul pour ton anniversaire. Moi, pareil, pour ton anniversaire, je ne sais pas, du coup, c'est le soir ou c'est le midi que tu es invité? Je ne sais pas, je viens de dire que un petit truc quand même. Bah, moi, j'avais de base prévu entre moi-même et moi-même de fêter mon anniversaire. Enfin, en fait, je n'ai rien demandé à personne. Hein. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on m'invite à mon anniversaire. J'avais prévu de m'inviter moi-même. Est-ce que du coup, tu ne t'y attendais pas que tu ailles tout seul pour ton anniversaire? Enfin. En confinement? Non, après, non. J'avais plus. Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu un anniversaire surprise, du coup? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais voilà, honnêtement, je le vis pas spécialement mal de ne pas pouvoir fêter mon anniversaire. Ça aurait été cool. Mais on va pas se mentir. Si on n'avait pas été en confinement, j'aurais pas pu fêter mon anniversaire parce que je serais au travail. Oui. Que c'est super compliqué de trouver des dates. Non, mais de toute façon, tu peux dire n'importe quoi. On serait venu te voir à la sortie de ton travail ou quelque chose, on aurait fait quelque chose. Oui, mais c'est nul, ça. Enfin, je veux dire, c'est cool, mais c'est pas une soirée. Oui, moi, non, c'est pas une soirée, si tu veux, j'aimerais bien pour une fois faire une soirée où, genre, la soirée, elle commence à 19h. Et moi, je suis sur le lieu. Enfin, un truc de dingue. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais genre, vous êtes sur le lieu de la soirée. Avant l'heure prévue, mais déjà au moment où elle commence, et vous y restez jusqu'à la fin. Et vous pouvez même, attendez, truc de ouf, vous pouvez dormir sur place, pour y rester le jusqu'au lendemain parce que vous avez trop bu, parce que vous avez le droit de boire, parce que du coup vous prenez pas la voiture. Enfin, je sais pas comment, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, n'hésitez pas à me dire comment ça fait, parce que moi ça fait ouf. Là aussi ils mettent des musiques de violon, je crois. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que c'est pas arrivé, quoi. Non, mais blague à part, enfin, honnêtement, je le vivais pas trop mal, le fait de pas pouvoir fêter mon anniversaire, étant donné que ma mère, je sais que mes proches vont m'appeler ou m'envoyer des messages. Je sais que si on veut fêter mon anniversaire plus tard, quand le confinement sera fini, on pourra le faire, sachant que si tout se passe bien, encore une fois, le confinement s'arrêtera peu de temps après mon anniversaire. Donc on peut très bien quand même inviter des gens. Puis il y a plein d'autres raisons d'inviter des gens à faire la fête. Mm. Moi, j'avais prévu de base de me faire un petit gâteau, me mettre une petite bougie et on se serait éclaté, moi et moi-même. C'est génial. J'aurais regardé Moulin Rouge seul. En fait, c'est un peu comme tous mes anniversaires. Hein. Tu l'as déjà regardé cette semaine, Moulin Rouge? Je l'ai pas fini. Parce que ça captait, parce qu'on n'avait pas la Wi-Fi. Alors que maintenant, attention. Ah non, Bohemian Rhapsody ce soir. Parce que, attention, on a la box et normalement, il y a le lecteur CD. Peut-être qu'il fonctionne. On l'essaye. Et moi, j'ai le DVD de Moulin Rouge et de Bohemian Rhapsody. Moulin Rouge, c'est vrai que je l'ai un peu regardé cette semaine. Il buguait, mais... Je l'ai pas regardé. Bohemian Rhapsody, tu l'as regardé il y a 3 semaines. Non, je l'ai pas regardé vraiment. Hein. J'ai regardé 10 minutes. Hein. Et pareil, ça buguait trop. D'accord, la qualité, elle était pourrie. Une nouvelle découverte, elle ne sait pas faire, mais elle regarde que les anciens films. Enfin, anciens. Il est pas ancien, Bohemian Rhapsody. Il est sorti en 2017, je crois, ou 2018. Voilà. Mais que des films que tu as déjà vus. Oui, ça. Je veux bien, tu vois, des films que tu as déjà vus, les regarder 1, 2 ou 3 fois. Grand max. Après, tu vois, par exemple, des sagas, moi, Harry Potter, j'ai dû le regarder au moins 7 ou 8 fois, tu vois. Mais un seul film. Ouais, alors, je comprends. Je comprends parce que déjà, t'es pas le seul à me faire cette remarque-là. Mais, en l'occurrence, Bohemian Rhapsody, je pense que je le regarde vraiment pour la musique, en fait. D'accord. Il y a un album qui est sorti. Donc, je pense, je l'écoute aussi dans la voiture, mais écoute, je ne peux pas regarder le film pendant que je conduis. Donc, non, mais je pense que Bohemian Rhapsody, je finirai par arrêter de le regarder petit à petit. Là, j'ai eu le DVD il n'y a pas si longtemps que ça, 1 an ou 2. Donc, ça va pas tarder à s'essouffler. Moulin Rouge, c'est différent. Tu l'as regardé, alors, à peu près, un chiffre comme ça, combien de fois? Moulin Rouge? Ouais. Étant donné que Moulin Rouge, j'ai commencé à le regarder, donc j'ai 22 ans, bientôt 23, j'ai commencé à le regarder, je devais avoir 10 ans, grâce à ma maman, merci maman. Si tu comptes combien de fois par an, par exemple? Combien de fois par an? Je sais pas. Est-ce que tu penses que tu l'as regardé 200 fois? Je sais pas. C'est compliqué. Est-ce que tu l'as regardé plus de 100 fois? Je pense que je l'ai regardé une centaine de fois. Ouais. Une centaine de fois? Ça te lasse pas? Non, parce que justement, en fait, Moulin Rouge, j'aime bien. C'est même plus l'histoire que je regarde, parce que honnêtement, c'est bon quoi. On a compris ce qui se passait. C'est vraiment pour la partie. La manière dont il est filmé, c'était très novateur entre guillemets pour l'époque. Il est sorti en 2002 ou 2008, entre 2002 et 2008. On parle de Moulin Rouge, je sais pas, on n'a pas du tout des familles. Non, mais en gros, enfin, moi j'aime beaucoup la couleur du film. J'aime bien les musiques, je sais pas comment on appelle ça, mais le fait que ce soit très coloré, le fait que tu peux jamais arrêter de le regarder, ouais. Dans le sens où il y a pas de coupure. Il y a pas de moment où c'est un peu plus lent et ensuite ça reprend, c'est toujours super saccadé. Enfin, je sais pas, moi j'aime beaucoup ce film parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu le regardes, tu redécouvres autre chose. Et dans les films que j'aime bien, et ça c'est pas qu'avec Moulin Rouge, j'aime beaucoup les regarder en moyenne 4-5 fois au moins avant d'estimer que j'ai vraiment regardé le film. Parce que la première fois que tu regardes un film, tu regardes l'histoire. La deuxième fois que tu regardes un film, t'écoutes un petit peu plus les musiques choisies ou les, enfin en tout cas c'est moi qui fais ça, mais ou la lumière, ou les différents plans choisis, parce que les plans choisis sont, veulent dire beaucoup de choses, si c'est un plan serré ou un plan large, tu vois. Après, tu regardes une troisième fois parce que c'est drôle d'essayer de voir s'il y a des faux raccords. Bah, moi, ça me fait marrer. Et s'il y a trop de faux raccords, comme dans Shutter Island, tu ne regardes plus jamais le film parce que maintenant tu ne vois que ça. Mais non, je sais pas, je trouve ça intéressant de regarder plusieurs fois les films pour redécouvrir certaines choses. Et des fois, tu redécouvres aussi des sortes de private jokes. Je sais pas, par exemple, si dans un film, à la fin, la personne meurt. Donc ça, ouais, tu le savais pas. Et en fait, tu te rends compte qu'en sachant que à la fin, la personne meurt, elle a parlé une certaine remarque d'elle ou d'un autre personnage qui dit c'est un truc qui arrive dans Moulin Rouge. Je vais pas spoiler parce qu'il faut absolument que tout le monde regarde ce film plusieurs fois. Mais enfin, je sais pas, moi je trouve ça intéressant. Et vraiment, Moulin Rouge, c'est juste un plaisir de retrouver Ewan McGregor dans ce personnage-là, parce que j'adore le personnage qui joue, et je sais pas, juste c'est un beau film, quoi. D'accord. Enfin, moi, ça m'intéresse. Ok. Et c'est un peu mon film préféré, donc je le regarderai jusqu'à la fin de l'été. Tu le considères comme le film préféré? C'est... Oui. D'accord. Oui, parce que c'est film dramatique, c'est film musical, c'est un film super original. Il y a plein d'autres films que j'adore. Vraiment, il y a des films que je pourrais mettre genre à presque la même hauteur que ce film-là, mais je pense que lui, il a un petit truc en plus. D'accord, ok. Ok. Alors, avant de passer au sujet, alors le sujet, je ne l'ai pas préparé, j'ai trouvé un petit truc, mais on verra. Avant, j'ai quelque chose à te dire, Lucie. Il faut que... On va essayer... comment dire, un contrat à faire. À la fin du confinement... Donc, le 11 mai, si tout se passe bien, on m'a proposé plusieurs fois, plusieurs personnes, de faire des restaurants. Alors, est-ce que tu es d'accord pour faire... Non. D'accord, ok. Alors, là, je m'adresse plus à vos auditeurs, mais surtout à Justine, Roxane, Tamara, Carlos, Lucille, et je crois que j'ai fait le tour. On voulait tous en fait faire un restaurant tous ensemble pour se retrouver, un restaurant asiatique. Moi j'ai jamais dit que un restaurant asiatique c'était ce que je voulais déjà. Et du coup tu refuses catégoriquement ça. Alors moi je vais vous expliquer quelque chose. Vincent a voulu se lancer ce challenge là et me challenger aussi. Avant même de penser qu'il y a un confinement. Peu importe. Sur le fait que on ne faisait plus de restaurant et que le premier qui craquerait perdait. Oui. La somme, un loyer. Voilà. 310 euros. Donc, sur ce truc-là, on s'est dit, honnêtement, personne craquera. Le confinement a été annoncé. Donc, fermeture des restaurants. Moi, au contraire, tu devrais te dire, bah... C'est plus simple, du coup, je veux dire, il n'y a pas de possibilité de craquer réellement. On a quand même fait un écart. Oui. On a fait un écart. Un écart à deux. Mais on là, a dit, on, peu importe, on a dit un écart, après c'est fini. Il y a un challenge, il y a des règles, on les a déjà dépassées. Soit on décide de dire, on met fin au challenge, et il faut que les deux soient d'accord. Soit tu craques et tu perds. Soit je craque et je perds, soit le restaurant, tu le feras après. Et il faut savoir en plus que, de mon point de vue, de personne qui va me faire défoncer quand je vais reprendre le boulot, parce que tout le monde va vouloir retourner au restaurant, que clairement, mec, attends avant d'aller au resto. Pas tout de suite, mais bah, t'as le temps de craquer. Un restaurant avec nos amis. Je suis désolée, c'est le jeu. C'est un nom. Est-ce que c'est un nom ferme ou c'est un nom... Je l'ai dit, c'est un nom. Après, peut-être que moi, je voudrais craquer. Dans ce cas-là, je jouerais sur ça pour te dire, bon, allez, ok, d'accord, bah d'accord. Par contre, clairement, si on va à ce restaurant et qu'on décide de craquer tous les deux, c'est fini. Il n'y a pas de « on reprend le challenge ». Parce que sinon, je te trouverais n'importe quelle raison pour faire des écarts sans avoir à payer le loyer. Ah, je suis désolée, faut être droit. Okay. Et j'ai pas envie de craquer pour le moment. Très déçu. C'est une négociation qui n'a pas fonctionné, hein, clairement. Tant pis. Alors, le sujet, c'est que je n'ai pas de sujet. Alors, c'est très simple. Ah là, il est déçu, là. Il a envie de tout... Il a envie de tout détendre. Et... Là, je suis énervé, ça va pas le faire. Je pense qu'il va s'arrêter, il va s'arrêter là au niveau de la colocation. Vous voyez pas, mais j'ai une larme qui coule. Non, alors, c'est très bidon. Mais comme j'avais pas de sujet, je me suis dit, on va faire ça. Si vous voulez, pour ceux qui sont sur Facebook ou quoi, tout le monde met en ce moment des trucs du genre « oui, on m'a posé des questions, tout ça, qui me connaît le mieux, tout ça ?» Et du coup, j'ai pensé faire ces questions-là avec, avec nous. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Ok, alors j'ai quelques petits trucs. Alors, bon, qui me connaît le mieux ? Du coup, prénom, tu dois répondre. Tu t'appelles Vincent. Et tu t'appelles Lucie. Tout à fait. C'est pas mon point. Âge. C'est bizarre quand t'as dit âge, je me suis senti mal d'un coup. Bah, tu es né en novembre. Bah, t'as 22 ans, on s'en fout. T'as 22 ans. 22 ans, il est vrai, il est vrai. Et toi aussi, tu as 22 ans. Pour et le bientôt moment, 23. J'ai encore 22 voilà. ans. Voilà. Date de naissance. Exact. Ah, et heureusement qu'il y a les attestations et que je les ai remplies à plusieurs reprises. C'est vrai. Parce que du coup, je sais que tu es né le 27 novembre 1997. Ok. Et toi, tu es né le 30 avril 97. Et là, il s'est concentré pour ne pas dire 31. Oui, j'étais persuadé, mais non. Ce jour qui n'existe pas. Alors là, je vais commencer à... Ah non, je crois pas. Mon signe astrologique. Verseau ? Non. Je connais pas les signes. Gémeaux ? Non, j'ai pas, c'est pas Gémeaux, c'est pas aussi. Toi, c'est Taureau ? Ouais. Ah, un point pour moi. Sagittaire ? Oui. En même temps, là... C'est bien, au bout d'un moment, il y en a que 12, donc t'es obligé de trouver, quoi. La couleur de mes yeux. Alors, c'est pas du tout visuel, mais j'ai fermé mes yeux pour pas que ouais. je vois. Il a les yeux marrons. Et toi, tes yeux bleus ? Ouais. Ok. Nom de la personne que j'aime. Oulala. Patricia. Effectivement, ma mère, j'aime beaucoup ma mère. Et toi, Lana. Voilà, mon chat. Son chat. Mon chat préféré. Parce que oui, j'ai un chat préféré, je l'assume. Mon plus gros défaut. Du coup, ton plus gros défaut, de ton point de vue, c'est ça ? Oui. Si t'en dis un autre, ça se trouve, il pourrait te dire oui, c'est vrai, mais c'est pas mon plus gros. Je vais te dire, non, c'est pas vrai. Parce qu'il y en a plein des défauts. Il est lourd, il est pas drôle. Arrête de parler de mon poids, s'il te plaît. Je pense que pour toi, de ton point de vue, ton plus gros défaut, c'est que tu, peut-être, t'es trop gentil. Ouais. C'est assez bon. Alors, ne commence pas à réfléchir sur mon plus gros défaut à moi, parce qu'il faut que je réfléchisse moi-même sur mon plus gros défaut. Non, mais si ça donnait qu'à toi, mon plus gros défaut, tu dirais quoi ? Honnêtement, en fait, ce serait deux défauts qui se couplent beaucoup. Oui. C'est donc que t'es trop gentil, mais que tu te voiles la face aussi. D'accord. Parce que je pense que des fois, tu réalises pas assez. Et on rappelle que c'est interdit en France. Je pense que tu réalises pas assez que t'es trop gentil. D'accord. Sur certains sujets, des fois. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Attends. Alors, mais moi, je vais pas vous mentir. Parce que fou, moi, j'en ai des idées, mais le plus gros... Le plus gros Si. Mais alors attends. Il y a trop de choix, les mecs, j'ai du mal. Non, t'as ton petit caractère, mais je pense pas que ce soit ton petit gros défaut. Surtout qu'il faut être plus précis parce que. Voilà, parce que t'as un gros caractère, c'est pas un gros défaut. Enfin, ça dépend. C'est beaucoup de gros défauts, ouais, c'est beaucoup de gros défauts. Non, ton plus gros défaut, je pense. C'est après là je vais te dire comme je vois moi parce que c'est que des fois tu dis les choses mais tu les dis mal et on les comprend mal et les gens peuvent mal le prendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est des fois. Ouais. C'est pas comme ça que tu voyais si. Toi t'aurais dit quoi pour toi ? Moi j'aurais plutôt dit le fait donc ça rejoint le fort caractère donc je te mettrais le point entre guillemets quand même. C'est que j'ai une humeur trop changeante, dans le sens où je peux me mettre à être énervée ou faire la gueule pour rien, mais je fais vraiment la gueule et je sais pas spécialement pourquoi, ou en tout cas pour des choses qui sont... je pense que ça joue aussi avec la sensibilité, quoi. Je suis trop lunatique et il y a des choses où je m'énerve pour rien. Mmh. Et du coup, je suis extrêmement chiante à ces moments-là. Ouais. Et j'ai pu gâcher quelques moments entre amis pour ce genre de conneries-là. Mais je pense que ce que tu as dit aussi fait partie de mes plus... C'est même pas vraiment un défaut, c'est plus de la maladroitesse. De la maladresse. Maladroitesse, j'allais dire maladroitesse. Après, vraiment. Je sais pas, parce que je pense que je sais que j'ai plusieurs fois dit, mais de moins en moins ces derniers temps, des choses plus violemment que je ne le pensais, mais je savais très bien qu'elles étaient plus violentes, parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être blessante, entre guillemets, tu vois, comme une sorte de défense, ce qui est complètement débile, parce qu'après, après faut assumer ce que tu dis, alors que c'est pas réellement ce que tu penses, quoi. Donc c'est pas bien, il faut pas le faire, et je pense plus que je le fais aujourd'hui, mais ouais, je suis d'accord que ça fait partie des défauts pas géniaux, quoi. D'accord. Mais vraiment, je tiens à dire qu'il faut le dire au pluriel, quoi, il y en a beaucoup, c'est compliqué. Alors, la marque de mon téléphone, bon, on a toujours un Samsung, hein, c'est facile à dire. Bah, tu vois, t'aurais pas dû me dire. C'est vrai ? J'aurais réfléchi. Ah bah, bonjour, c'est pas grave, c'est un petit point cadeau. Ma boisson préférée, alors là, jamais tu vas trouver. Jamais tu vas trouver. Le chou vert ? Non. Ouais, non, non. Toi, j'ai le Mighty, en vrai, tu bois que ça ? Bah, il y a 8 bouteilles dans le frigo à un moment. Au quotidien, oui, c'est ma boisson préférée. Maintenant, ouais. Non, mais la mienne, tu trouveras jamais. Qui a une boisson préférée ? Ah, c'est moi. Moi, j'ai une boisson préférée. Le Sous-Bol ? Mais comment tu... C'est vrai ? Mais oui ! Ok, je suis dégoûté. J'étais persuadé que jamais elle allait trouver. Non, c'est moi, c'est vraiment une boisson, mais je peux en boire. Moi, j'aime pas. Ah ouais, non, mais c'est grave. Il faut savoir que déjà, j'aime pas... Comment tu sais, ça ? Comment tu sais, quoi ? Que j'aime le Sous-Bol. Bah, parce que tu m'as dit que c'était... que j'allais jamais trouver, donc j'ai cherché dans les marques qui étaient moins connues, quoi. J'allais pas dire Coca. Timide ou pas ? Alors... Intéressant comme question. Parce que tu n'es pas timide, mais tu l'es. Oui, parce qu'on peut dire que je ne suis pas timide parce que, bon, bah, sur scène... Donc ah ça, non, mais je ne parle même pas de ça. Je parle même pas de ça parce que tu sais faire face. Quand tu rencontres des gens, tu vas pas te recroqueviller dans un coin ou te mettre à pleurer parce que tu rencontres un inconnu. Mais quand on te connaît, on se rend compte que quand tu rencontres des gens que tu ne connais pas, tu es très réservé, mais ça se voit pas spécialement. La personne qui ne te connaît pas se dira pas forcément il est timide. Ouais. Seulement quand on apprend à te connaître, on voit que le premier Vincent que t'as rencontré était en fait très assez réservé. Ouais, alors c'était pas du tout français ce que j'ai dit. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Tu me connais quand même pas mal. C'est ce que je disais à une amie, à Camille la dernière fois. Je disais que si par exemple je suis avec vous les filles tous ensemble dans un groupe et qu'il y a une nouvelle personne, je vais être, ça va aller parce que je suis entouré de mon groupe, de mes amis. Tu vas rester naturel. Et si je vais à une soirée où il y a une vingtaine de personnes et je suis avec 3 de mes amis, je vais être un peu différent, un peu gêné, mais je vais essayer de me mettre à l'aise tout seul, tu vois. Mais je pense pas que ce soit une question de timidité. Parce pour moi, timide, c'est quand même très fort. Après, je pense qu'il y a aussi une notion de timidité. Par exemple, je suis incapable d'aller voir une fille dans la rue et lui dire demander son numéro de téléphone, tu vois, je suis incapable de faire ça. Ça s'appelle être bien élevé, mais après c'est... Non, bah, admettons, je suis dans un bar, je vois une fille qui est jolie, tu sais, je pourrais gentiment, aimablement lui dire ouais, salut, ça va, est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone. Mais ça, c'est un manque de confiance en soi. Oui, mais on est bien d'accord que c'est pas un manque de... c'est mauvais de faire ça. Non, ça, ah oui, parce mais que tu croises une meuf dans la rue, tu lui demandes son numéro de téléphone, non, laisse-la tranquille, en fait, elle est dans la rue. Oui, enfin... oui, à moins que tu travailles pour une association et que tu... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est différent. Et toi, c'est un peu pas... Ouais. C'est pareil, c'est pas de la timidité, en fait. T'es timide, mais pas... Ouais, en vrai, c'est un peu de la même manière. Hein. Bah, en fait, je pense pas vraiment que ce soit de la timidité, mais comme on le dit souvent, c'est le fait d'être associable. Mmh. Je pense que si je voulais dire quelque chose à quelqu'un, je le ferais. Enfin, je suis pas non plus genre à demander des numéros de téléphone. Oui, oui. Ou alors faut avoir un petit peu d'alcool dans le sang, mais je c'est pas trop mon style. Mais s'il y a quelqu'un, tu vois, c'est comme toi d'ailleurs, je pense que s'il y a quelqu'un qui d'après toi se comporte mal, tu vas quand même, t'auras le courage d'aller lui dire ou de ce genre de choses, tu vois. Absolument, oui. Par contre, honnêtement, ça me saoule de rencontrer des gens. C'est trop de pression, donc ça me braque, donc je fais la gueule. Donc je suis pas timide. Mais putain, personne veut venir me voir s'il me connaît pas, quoi. Parce que clairement, t'as pas envie. Ouais, tu fais un peu renfermé. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est un peu comme ça. Mais toi. Justine est un peu pareil pour ça. Elle fait très froide. Justine, c'est drôle parce qu'on a été... Excuse-moi, mais je trouve qu'elle a fait beaucoup d'efforts depuis que je la connais. Mais c'est normal. Par rapport à ça. C'est normal, tu la connais. Oui, non, mais pareil. C'est simple. Avant que tu... Non, mais du coup, Justine, elle t'envoyait des messages, elle mettait un point à chaque fois, fin de phrase. Et tu t'en rends pas spécialement compte, mais elle est toujours froide, hein, par message. Ah, tu t'es habitué. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Enfin, parce que c'est elle, pour elle, c'est pas être froid. Et je pense qu'à force, La bouteille est tombée, excusez-moi. Je pense qu'à force, tu t'habitues au fait qu'elle communique comme ça. Mais c'est drôle parce que Lucie, c'est moi. Justine, on allait au lycée ensemble. On faisait le chemin parce qu'on était presque voisines. Et on était au départ toutes les deux froides, quoi. Donc c'était super agréable comme voyage ensemble. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que... Mais Justine, d'autant plus, je pense. Elle est d'autant plus froide au premier abord, je pense. Oui, je trouve aussi. Mmh. Alors, bah, on vient d'avoir la réponse. Hein. Bavard ou silencieux ? T'es bavard. Oui. Mmh. Ouais, mais je sais me taire. Oui, tu sais te taire. Mais... T'es une fille bavarde, t'es pas une fille avec qui on peut pas, où il y a peu de conversation. Après, je trouve que dans la vie de tous les jours, je suis plus à l'écoute que bavarde. Je suis plus la personne qui écoute les gens que la personne qui va parler aux gens. Je parle pas des potes, genre toi, je te parle autant que tu me parles, tu vois, je pense. Quoique, non, je pense que je te parle un petit peu plus que tu me parles. Oui. Et tu ne m'écoutes pas. Oui, absolument. Absolument. Je parle dans le vide, pas en alors, vous ne rendez pas compte, mais là, je lui parle pendant une heure par semaine, hein, vraiment, juste pendant le podcast, sinon je ne lui parle c'est pas. C'est bien, comme vraiment. Ça, ça donne matière. Voilà. Mais je pense que non, par contre, j'écoute plus souvent que je parle, vraiment. Genre avec les collègues ou des trucs comme ça. D'accord. Et toi, bah. Oui, bavard aussi. Ouais, bah, plus bavard que silencieux, en tout cas. Je dirais bavard aussi. Petit ou grand. De quoi parle-t-on ? Je l'ignore. Sinon... Grand homme. Grand homme. Et petite grand, personne. Grand femme. Donc, femme, on peut dire. Non, on est de taille moyenne. Hein, on fait la même taille, 1m70. Oui. Donc t'es moins de taille moyenne que moi, du coup. Pour un homme, tu devrais être un petit peu vrai. Plus grand. Vas-y, renvoie des pics. Toi qui es trop grande, je sais pas. Alors, McDo ou Burger King ? Toi ? Alors, autant le problème de McDo, c'est que... Ah oui, c'est... Alors, pardon. C'est à toi que je dois répondre. Ouais. McDo. Ouais. Ouais. Oui, c'est chiant. Du coup, vas-y, pour moi. Bah, honnêtement, je pense que je dirais McDo, mais que t'as envie d'aller voir ailleurs des fois, quoi. Exactement, c'est ça. C'est moi, j'aime ma femme, mais des fois, de temps en temps, la tromper, ça me dit... Bah, ça me dérange pas. Moi, honnêtement, Burger King, ça me saoule parce que il y a trop... Enfin, je connais pas les choix, alors que McDo, ouais. Je sais qu'il y a le Big Mac, je sais qu'il y a la Royal Cheese, et je suis bien. Genre, non, je sais ce que je veux. Non, j'aime pas choisir. Je déteste choisir, McDo, vous le savez. J'ai l'impression de manger tout le temps la même chose. Bah, c'est ça. Sûr. Bah oui, mais c'est énervant. Moi, ça me saoule. Série ou film? Ah, pour toi, série direct. T'es plus film que série? Je pense que je pourrais pas choisir. Je pense que j'ai mes périodes. Honnêtement, la série, parce qu'on est en confinement et que je regarde que des séries, mais regarde, j'ai regardé Walking Dead, série que j'avais déjà vue et que je regardais sans vraiment regarder. Sons of Anarchy, je l'ai un peu plus regardé parce que j'aime vraiment bien cette série. Prison Break, on en parle. Je suis à la saison 2, j'ai regardé combien d'épisodes réellement où je suis restée devant la télé de A à Z. Ouais, mais je sais pas pourquoi t'as pas accroché trop de... T'as pas... Voilà, honnêtement, là, juste avant qu'on commence à enregistrer le podcast, j'ai attendu que l'épisode se finisse parce que ça se passait des trucs pour moi qui étaient intéressants. Mais en fait, un film, je vais pas faire ça. Je vais vraiment rester devant la télé parce que vraiment, je me concentre sur le film. Et je vais le regarder 20 fois, comme j'aime le dire, pour... Voilà. Donc... Je pense vraiment, ça dépend des moments. 1-2, quoi. Et Toi, je dirais film. Oui, Lara. Ouais. Parce que c'est pareil, tu vois, avant le confinement, à l'époque, à l'ancienne. Il fut un temps. Jadis. Voilà, jadis, c'est ça. J'allais très souvent au cinéma. J'y vais au moins une fois par mois au cinéma. Ouais, non, mais moi aussi, on y va souvent au cinéma. J'y vais surtout souvent avec Justine. Oui, oui. Mais maintenant, on vit ensemble. Et alors ? J'irai souvent avec Justine pour pas voir ta gueule. Ok. Non, je rigole. C'est direct. Alors, été ou hiver ? Toi, été ? Ouais. Et toi, été aussi ? Moi, printemps. L'été, ouais. Il fait trop chaud, ça me pète les couilles. On te demande pas ton choix. Ah non, franchement, été ou hiver. Ni l'un ni l'autre, vraiment. Si je te dis Coca ou Pepsi, tu me dis pas Orangina, arrête un peu. Non, je dis Pepsi, mais ça, c'est un autre débat et j'ai pas envie de me faire Pepsi. Alors, ok, on va passer parce que... Non, mais été ou hiver, honnêtement, limite peut-être plus hiver, parce que s'il fait trop froid, tu peux te couvrir. S'il fait trop chaud, malheureusement, on n'a pas encore le droit de se trimballer nu dans les rues, et même comme ça, t'aurais trop chaud, quoi. Honnêtement, je sais pas trop. Ok, du coup, on... Ah... Nerveux ou calme ? Alors, toi, calme. Calme ? Oui. Alors, je suis pas d'accord. Moi en fait, je suis nerveux, mais je ne le montre pas. Il y a des choses qui... Je m'énerve vraiment au fond de moi. Voilà. Mais je peux pas dire que je suis calme. Quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui... Bah, voilà, t'es calme parce que tu réagis pas. Sur la réelle, tu ne réagis pas. Sur la réelle, tu ne réagis pas nerveusement. Dans ta tête, ça explose peut-être, mais tu restes calme dans tes actions, tu vois. Toi, je dirais un peu nerveuse, quand même. Je pense que je fais beaucoup d'efforts et que je deviens, avec l'âge... Tu peux mettre les violons encore parce que vraiment, je viens de dire avec l'âge et ça m'a fait mal. J'ai fait que les violons. Je me calme de plus en plus. Je prends beaucoup plus de recul sur beaucoup de choses. Sauf la Freebox ce matin, mais là vraiment c'était entre elle et moi, quoi. D'accord, donc ça c'était. Jean ou jogging ? Jean. Ouais. Bah jean aussi. Ouais, on met très peu de jogging. Basket ou chaussures de ville ? Ah, tu vas répondre quoi pour moi ? Converse. Ouais, j'ai pas de basket sauf pour le sport et j'ai pas de chaussures de ville. Enfin, après, je mets des talons aussi, donc plus chaussures de ville, je pense que ce serait plus ça. Et toi, tennis et basket, non, basket. Ouais, basket, ouais. Basket. C'est ça. Caractère fort ou pas ? Oui, du coup. Bah, toi aussi. Ouais. J'estime, ouais. Plutôt en avance ou en retard ? Toi, est-ce que tu te dis en avance ? T'es plus à être en avance qu'en retard. Ouais. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Ça veut dire quoi ? Toi, à l'heure ou en retard ? Donc plus en retard, je dirais. Alors, moi, c'est, en fait, ça dépend vraiment avec qui. Ça dépend. Quand je fais des soirées avec vous. Alors, moi, j'ai une règle en soirée, tu la connais. Quand j'arrive dans une soirée où, justement, je connais pas les gens, j'arrive en retard. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que de l'ego. Hein. Vraiment. C'est histoire que. Quand j'arrive en retard, les gens ils disent ouais bah il manque qui ? Ah bah il manque Vincent. Et les gens qui me connaissent pas ils disent ah c'est qui Vincent ? Ah bon ? Et du coup on parle de moi avant que j'arrive. Ah ça je savais pas ça. Et ça je trouve ça super important d'arriver à une soirée où tu connais pas grand monde en retard tout le temps. Après une soirée où je connais les gens, j'arrive à l'heure voire en avance, tu vois, je m'en fiche un peu. Mais ouais, une soirée où je connais pas les gens, j'arrive tout le temps en retard. Et du coup, tu estimes connaître beaucoup trop bien tes collègues ? Pas de perfou. C'est pour ça que je disais plus à l'heure, voire en retard. Parce que non, ouais, non, au boulot. Mais le boulot, c'est le matin aussi. J'arrive souvent en retard au boulot, c'est vrai. Les soirées, moi, j'étais quand même beaucoup... Enfin, j'ai quand même... T'es pas celui qu'on attend le plus, clairement pas. Hein. Mais non, j'ai plus souvenir... Et tu rocks ça à ce moment-là. J'ai plus souvenir de t'attendre plutôt que de te rejoindre. Aux soirées. Non, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai un doute. Je me souviens. Bah, oh là là. Là, moi, je viens de me rappeler le coup du. Quand on a été boire un verre avec. Au boulot de Tam. Quand j'ai cru. On a dû t'attendre. On avait plus de nouvelles de toi. On n'en pouvait plus. Je pense que c'est l'un des derniers verres qu'on ait pris avant le. Pourquoi t'avais été en retard ? tu devais garder les gosses. Ah oui, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Non, mais tu ne tenais pas au courant, en fait. Oui, d'accord. Parce que là, c'était dû, je vais peut-être venir, mais peut-être pas. Mmh. Insupportable. Et du coup, on t'a attendu. Puis à la fin, j'ai fini par dire aux autres, venez, on boit notre verre. Et puis, si on a déjà fini notre verre quand il est là, quand il arrive, bah tant pis pour lui, c'est bon, quoi. Tout compte fait, ça va, tu es arrivé. Mmh. On t'avait un petit peu attendu, là. Donc, ça dépend des jours. Ou on va dire... En général, on t'attend pas. Voilà. Mais en général, t'es pas en avance, quoi. Ouais, non, ok, je suis à l'heure, on va dire. Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Avec tendance d'être un petit peu en retard. J'avais une autre question. Ouais. Une autre petite question, là. Couleur préférée, tu préfères le sombre ou le clair? Alors qu'ils ne sont pas des couleurs, on est d'accord. Les gens écrivent n'importe quoi. Mmh. Ouais. Bah, honnêtement, moi, je peux te dire que je pense que je préfère le sombre. D'accord. Parce que je suis gothique dans l'âme, moi, donc tout ce qui est sombre, on aime bien. Mais tout dépend de la couleur du sombre, quoi. Enfin, quelle couleur sombre? Tout dépend de la couleur du sombre. Non, mais c'est vrai. Oh là, mais on est où, là? La couleur du sombre, quel type de sombre tu veux? Ouais, voilà. Enfin, quel... genre, je sais pas. Ben, ouais. Noir, non, on va sauter cette question. Tu veux du sombre bleu? Non, mais noir, ok, j'aime bien. Mais le violet sombre, j'aime pas forcément, tu vois. Le violet sombre. Bref, sautons cette question. Eh ben, il n'y a plus de questions. Ok. Plus de questions. C'est fini. Alors, je voulais revenir sur une chose. En off, en partant du dernier podcast, Lucie m'a accusé de vous avoir menti, de vous avoir caché la vérité. Ce qui est faux. Ce que je trouve est faux. Elle m'a bien dit... J'ai pas dit que tu avais menti. Tu m'as fait comprendre. Et j'ai dit que tu n'avais pas été... À 100% honnête. Ok, alors... Bizarrement, tu oubliais certaines choses à certains moments de ta vie. Alors actuellement, à cette heure-ci, je suis 100% honnête, ok? 100% et complètement honnête avec vous. Et du coup, Lucie m'a dit en off, 2 minutes après que le podcast soit coupé, « Ah bah dis donc Vincent, t'as bien oublié de dire que t'avais arrêté le sport. » Alors oui, je vous l'avoue, je le dis, j'ai arrêté le sport. Et je n'ai plus rien à me reprocher, sache-le. Fière de toi. Merci. Excusez-moi, je me balance sur ma chaise, du coup j'étais très très loin du micro. Oui, parce que pour elle, elle n'a pas de micro, pour elle on entend de voix. Ah ouais, non, là c'est... Bon, alors du coup, nous avons enfin une Freebox fonctionnelle, avec du Wi-Fi fonctionnel. Oui. Ce matin, on a reçu la nouvelle Freebox et on a eu quand même quelques péripéties, parce que le Wi-Fi ne voulait pas fonctionner. On a essayé, on a bien essayé 1 heure, j'ai demandé à mon père de venir m'aider. Non, en fait, je n'ai même pas demandé, mais il est venu parce qu'il a compris que j'en avais marre, que c'était moi ou la box, mais qu'il allait forcément avoir quelqu'un qui allait passer par la fenêtre. Il n'a pas trouvé, j'ai fini par appeler l'assistance téléphonique qui fonctionne 1 fois sur 2 à cause du coronavirus. Et après, mon mec a réussi à nous débloquer tout ça. Donc, nous avons officiellement... La Freebox, tout qui fonctionne. Je ne débrancherai plus ce petit objet. Il va rester là. En tout cas, j'y toucherai plus, moi. Et on croise les doigts pour que demain matin, au réveil, ça fonctionne encore. La Freebox n'a jamais aussi longtemps fonctionné. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, on va attendre de voir. Mon ordinateur est connecté à la Wi-Fi, mon téléphone, ma tablette. Il n'y a plus qu'à connecter la Switch. Et la télé, elle est connectée aussi, donc c'est parfait. Moi, par contre, ce que je disais à Vincent tout à l'heure, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. S'il y a un autre problème, moi, personnellement, j'abandonne. Tant pis, c'est pas grave. Franchement, Internet, c'est surcoté. La télé, pareil. Netflix, tout ça, on n'en a pas besoin. C'est pas grave. Je me mettrai à lire. Mais je m'arrête là après. Elle va faire un puits pour se doucher de l'eau de réserve. Ouais. Ah non, mais moi je deviens ermite, hein, là j'emménage en forêt. Hein. Dès que les forêts auront réouvertes après le confinement, j'emménage là-bas. Putain, les forêts sont fermées, c'est vrai. Et on a demandé remboursement aussi, donc normalement on devrait être remboursé, donc ça c'est cool. Normalement, l'histoire, la péripétie Freebox s'arrête là. C'est fini. Il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Mot de la fin, va faire des cookies. Ah oui, cookies. Je vais faire des cookies. Mmh. Ah non, je dis même pas au revoir, j'en ai rien à foutre. Je leur dis pas au revoir. Moi, je vous dis au revoir.